إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on est donc toujours dans la série de cours explication des six fondements de Cheikh Mohammed, de l'imam Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Obed al-Jabiri hafidahullah. Juste une petite annonce, c'est le dernier cours qu'on a le mardi inshallah, apparemment d'après ce qu'on m'a dit aujourd'hui, donc il n'y aura plus cours qu'une fois, en tout cas une fois par semaine pour le moment inshallah. Je ne sais pas comment on va faire pour terminer au Sulcita à la Kulihal. Donc c'est un de nos frères qui anglophone qui va reprendre le mardi. Hein? Voilà, c'est comme ça. Donc on me l'a dit aujourd'hui. On m'a proposé d'autres moments dans la semaine. Il faut voir qu'est-ce qui arrange les frères et les sœurs qui assistent au cours, etc. Et ce qui m'arrange à moi aussi. À la Kulihal, ça va être un peu difficile, je ne vous le cacherai pas. Donc le samedi, soit on va faire que au Sulcita jusqu'à ce qu'on le finisse, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Hein? Il reste peut-être quelques cours, Inch'Allah. Et alors, à ce moment-là, on reprend ces fatals jusqu'à ce qu'on le termine aussi. Et après, Inch'Allah, faire peut-être, moi je pense à l'Arba'in Nawawiyya de Cheikh al-Fawzan. Hein? À la Kulihal, donc qu'une fois par semaine. Ou alors, que je le termine tout simplement en l'enregistrant, en le mettant sur le site. À la Kulihal, je pense que c'est mieux quand même de terminer au Sulcita, puis de terminer ces fatals-là, cours, hein, même, ne fût-ce qu'à raison d'un cours par semaine. Et comme ça, Inch'Allah, on reste sur un livre jusqu'à ce qu'on le finisse. Voilà. Donc on était dans le quatrième fondement et Cheikh Obed al-Jabiri hafidahullah, il parle de la science et de tout ce qui touche à la science dans ce quatrième fondement, et on est arrivé au point concernant des bienséances et des étiquettes à respecter lors de l'acquisition à la science. Il avait cité l'ikhlas, la sincérité, puis il avait cité al-sabr wal-musabara, qu'on peut traduire de manière résumée par la patience, et le troisième point c'était la mise en pratique de la science, l'amal, et le quatrième point, c'était « Obdul ma'indak min al-ilm ». C'est-à-dire que donne ce que tu as comme science, c'est-à-dire fais da'wah. Même, en fonction de ce que tu peux, comme l'avait dit Cheikh Obed al-Jabiri hafidahullah, même si c'est apprendre à quelqu'un comment faire les ablutions correctement, même si c'est apprendre à quelqu'un comment prier correctement, ce que tu as, tu le donnes. Et cinquième point, c'est le point par lequel on commence aujourd'hui, inshallah, c'est « La ta'jal alayk bil hikmati fa idha nasahta la ta'yas fa inna rifqa wal hilma khairun كله يوصل إلى الغايات الحميدة، وأما العجلة وضيق العطن فإنها توصل إلى أخطاء ونكبات تجلب على الإنسان مفاسد عظيمة جدا. وإذ قد بينا فيما سبق مكانة العلم وأهله أو أهله، واستدللنا على ذلك بما تيسر من الكتاب والسنة، ولا نزال في الحديث عن بيان مضمون الأصل الرابع، نبين قدر الإمكان بعض الأحكام التي تتضمنها الآيات التي أشار إليها الشيخ عليه رحمة الله. فإن الآيات التي أشار الشيخ إلى أنها تبين مكانة أهل العلم وحال من تشبه بأهل العلم وليس من العلماء بل هو من الضلال المضلين، تبدأ من الآية 40 من سورة البقرة وتنتهي بالآية 23 بعد 100 من السورة نفسها، وعلى هذا فهي إذن 83 آية. ولو استعرضنا تلك الآيات آية آية مستنبطين ما تضمنته من أحكام هي دلالة على أهمية علم الشريعة، وما تتضمنه أيضا من التشنيع على المضلين ممن يتشبهون بعلماء الشريعة وليسوا منهم، لا استقطب ذلك منا صفحات كثيرة، وها أنا أعرض ما تيسر من الأحكام. On va déjà traduire cette première passage, cette première partie. Et donc c'était le cinquième point, la cinquième bienséance à respecter lors de l'acquisition de la science. Et cher, il dit, ne te presse pas. Hein, agis avec sagesse. Si tu conseilles quelqu'un, ne désespère pas. Car tout le bien réside dans la douceur et la sagesse. Et cela t'amène à concrétiser de nobles buts. Tandis que la précipitation, et qu'est-ce que le cheikh rappelle en arabe, diq al-atan, c'est une expression qui vient à la base, al-atan. Al-atan dans la langue arabe, c'est l'endroit où se repose le bétail. Quand vous regardez dans les livres de la langue arabe, dans les kutub al-lugha al-arabiya, al-atan, c'est l'endroit où se repose le bétail. Donc en arabe, quand on dit fulan dayyiq al-atan, c'est-à-dire quelqu'un qui ne patiente pas et qui ne donne pas. Et le contraire de dayyiq al-atan, c'est wasi' al-atan. Wasi' al-atan et dayyiq al-atan. Quelqu'un qu'on appelle dayyiq al-atan, c'est-à-dire quelqu'un qui ne donne pas et quelqu'un qui se précipite, il ne patiente pas. Donc le cheikh dit la takun dayyiq al-atan. Hein, ne sois pas quelqu'un qui se précipite et qui ne patiente pas. Chir, il dit, cela t'amène à faire des erreurs, il parle de la précipitation ici, et du manque de patience, et à des désastres qui causent à l'individu de grands maux. Nous avons précédemment, Chir dit, mis en évidence la place occupée par la science, dans le cours précédent, et ces gens, les gens de la science. Nous avons utilisé comme preuve ce que Allah nous a facilité comme preuve tirée du Coran et de la Sunna. Nous sommes toujours, cher dit, dans l'explication de ce que contient ce quatrième fondement. Nous clarifions maintenant certains jugements contenus dans les versets coraniques indiqués par le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il fait référence à qui ici? À l'auteur du livre qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Car les versets cités par le Cheikh indiquent la position et le degré des gens de science. Et la situation de ceux qui leur ressemblent, mais ne font pas partie des savants. Man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ay laysa min al-ulama. Mais de plus font partie des égarés égarants. Balhum min ad-dullal al-mudillin. Ces versets commencent à partir du verset 40 de Sourate al-Baqarah jusqu'au verset 123 de la même Sourate. Il y a donc combien de versets? 83 versets. Et si nous devions prendre ces versets un par un et en tirer ce qu'ils contiennent comme jugement et indication sur l'importance de quoi? De la législation islamique, ainsi le fait que ce qu'ils contiennent discrédite les égarés parmi ceux qui ressemblent aux savants mais n'en font pas partie. Eh bien cela prendrait donc, si on faisait cela verset par verset, cela prendrait donc de nombreuses pages. Donc cher, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Qu'il ne va pas tirer tous les versets de tous les versets. Il va se limiter à quelques-uns. Cheikh dit donc, je rapporterai ce que je peux comme jugement. Cheikh il dit والآيات بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وختمها بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. شيخ الدي نستعرض بعض ما دلت عليه الآيات. أولا تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بعظيم النعم التي أنعمها عليهم في زمن موسى عليه السلام. وهنا قد يقول قائل ما شأن المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود وما دخلهم بمن سبق. Donc cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces versets que le cheikh a cité commencent par le verset dont la traduction du sens est: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous redoutez. Donc c'est le verset 42, Sourate Al-Baqarah. Et les versets donc se terminent par lequel? Par le verset dont le sens est ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. C'est Sourate Al-Baqarah, la même Sourate, verset 47. Et redoutez le jour. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation et ne seront point secourus. Verset 48. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici, Cheikh Hafidhahullah? Il va parler des versets de 40 à 48. D'accord? Nous exposons maintenant une partie de ce que ces versets indiquent. Cheikh, il dit, premier point qu'indiquent ces versets, ou première chose, premier bénéfice, faïda qu'on tire de ces versets, c'est quoi? Eh bien, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala aux enfants d'Israël, contemporains à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les bienfaits dont il les a comblés subhanahu wa ta'ala à l'époque de Moïse alayhi salam. Hein? Afwan? Non, je l'ai dit, non? Peut-être que quelqu'un pourrait dire, et on a, c'est là qu'on est arrivé, on s'est limité à la question, mais on n'y a pas répondu en arabe, hein, je l'ai fait exprès d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, qu'en est-il des contemporains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les Yahoud par rapport à ceux d'avant, hein? Parce que les versets de qui on parle ici? Les versets des Yahoud d'avant, d'accord? Quel est donc ici, qu'en est-il des contemporains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les Yahoud par rapport à ceux d'avant? Mais la réponse est donnée par le Cheikh ici, hafidhahullah ta'ala. Il dit, هذا أجاب عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في تفسيره حيث قال رحمه الله وهو يذكر السر في هذا الخطاب واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم ونسبت لهم لفوائد عديدة منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به فبين الله من أحوال سلفهم التي تقرت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالا ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Oubel Jabiri Hafidahullah Ta'ala? Il dit que la réponse à cette question qui était, je le rappelle, peut-être que quelqu'un pourrait dire, qu'en est-il des contemporains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les Yahoud par rapport à ceux d'avant, à leurs prédécesseurs? La réponse à cela a été donnée par l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le grand exégète du Coran, le grand faqih, jurisconsulte, et qui est le cheikh de Cheikh Al-Uthaymin notamment, et cheikh de Abdullah Al-Bassam notamment, d'accord? C'est un cheikh contemporain qui est décédé, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il dit dans son tefsir, lorsqu'il dévoile la sagesse de la parole adressée, et sache que la parole adressée dans ces versets à la communauté des enfants d'Israël, qui était présente au moment de la révélation du Coran, eh bien ces actions citées qui leur ont été adressées sont les actions de leurs aïeux. Et il y a dans le fait de leur attribuer ces actions de nombreux bienfaits, d'accord, de nombreuses raisons, parmi eux ou parmi elles, le fait qu'ils se vantaient et se faisaient leur propre éloge, car ils prétendaient avoir une préscience sur Mohammed et sur ceux qui ont cru en lui. Allah leur a alors mis en évidence la situation de leurs aïeux, qui était d'ailleurs établie chez eux, qu'ils connaissaient, afin de leur montrer à chacun d'entre eux qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire qu'ils leurs aïeux, des gens dotés de patience et de bons comportements et de nobles actions. Et écoutez, regardez pourquoi ils rapportent ça maintenant. Si telle était donc la situation de leurs aïeux, qui, on le pense, étaient meilleurs qu'eux, on est d'accord, hein? Qu'en est-il alors de leur situation à eux, à qui cette parole est adressée? Cheikh, il dit également, parmi les bienfaits de citer cela, ومنها أن نعمة الله واصلة إلى المتأخرين والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. هذه قواعد. النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. فخوطب بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها. regarde le fiqh des ulama, hein, le fahm. Je peux juste regarder de temps en temps, il y a toujours le micro sur Paltalk. حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام السعدي رحمه الله في المجلد الأول الصفحة 63 أو بعد 60. Donc, cher, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Hafidahullah Ta'ala, parmi les bienfaits de citer les actions des anciens parmi les fils d'Israël? Eh bien, c'est que quoi? C'est que, également, que le bienfait dont Allah a comblé les plus récents parmi eux, des enfants d'Israël, et dont il a comblé les pères, est un bienfait sur les enfants. Car le bienfait, les bienfaits dont les pères sont comblés, eh bien, qui en est comblé également? Les enfants. D'accord ? Le bienfait dont sont comblés les pères sont les bienfaits, sont des bienfaits sur les enfants. Les bienfaits leur ont été donc rappelés, car ils les englobent également. Donc même c'est au sujet des anciens, mais les bienfaits les englobent tous. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur a adressé la parole. Regardez les fawa'id que Cheikh tire de ça encore. Il dit quoi? Il dit que, également, le fait que la parole leur a été adressée concernant les actions d'autres que eux. D'accord? Ceci indique que la communauté qui est regroupée sur une seule religion s'entraide et est solidaire. Dans ce qui lui bénéficie, dans ce qui lui est bénéfique. Comme si les derniers, les anciens, étaient à la même époque. Et c'est comme si ce que faisaient certains d'entre eux était commis par tous. Également, que la plupart d'entre eux, écoutez cette règle, n'ont pas réprouvé ces actions de leurs anciens. Et celui qui est satisfait d'un péché, partage le péché. Donc celui qui est satisfait d'un péché, partage le péché avec celui qui le commet. Et encore d'autres sagesses dans ces versets que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Je vous donne la référence, Tafsir Sa'di, pour les frères qui l'ont plusieurs volumes, c'est volume 1, page 63. D'accord? Parce qu'il existe en un volume également. فالله سبحانه وتعالى ساق هذه النعمة وهي نعم كثيرة تضمنتها هذه الآيات كتنجية بني إسرائيل من الغرق وإهلاك عدوهم فرعون. ومن النعم أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبة وكان الواجب عليهم قتل أنفسهم حين عبدوا العجل. ومنها أن الله ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. ومنها تفجير الماء من الحجر على أيدي موسى صلى الله عليه وسلم. فلو كان بنو إسرائيل المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم عقلاء لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معروف عندهم. وكما قال ابن القيم رحمه الله أركان الشكر ثلاثة. On va rapporter après la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Inch'Allah. Donc, Cheikh, il dit, Allah a donc cité ses bienfaits qui sont nombreux parmi eux, qu'il a sauvé les enfants d'Israël de quoi? De la noyade. Et qu'il a fait périr leur ennemi Pharaon. C'est aussi un bienfait, ça. Et parmi ses bienfaits également, qu'Allah les a comblés du repentir. Et que ce qui leur était obligatoire lorsqu'ils ont adoré le veau, eh bien, c'est de se faire périr eux-mêmes. De se tuer eux-mêmes. Parmi eux, qu'Allah les a couverts de l'ombre d'un nuage et fit descendre sur eux la manne et l'écaille, et il fit jaillir de l'eau de la roche par la main de Moïse. Tout ça, c'est dans Sourate Al-Baqarah, ikhwan. Donc, si les enfants d'Israël contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient doués de raison, ils auraient donc quoi? Cru en Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Car cela était connu par eux. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, les piliers du remerciement, al-shukr, sont au nombre de trois. Vous allez comprendre pourquoi il a cité la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il parle des enfants d'Israël. Il dit, comme cela, al-iqraru awwalan, al-iqraru, si vous voulez, al-rukn al-awwal, le premier pilier. Puis le pilier de quoi on a dit? De al-shukr, arkan al-shukr. Al-rukn al-awwal, الإقرار بالنعمة باطنا. الركن الثاني التحدث بها ظاهرا. الركن الثالث صرفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الحكم الأول. Tout ça, c'était le premier jugement tiré des versets. Donc, c'est quoi les trois piliers du remerciement cité par Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala? Il dit, le premier, c'est le fait de reconnaître le bienfait intérieurement, batinan, intérieurement. D'accord? Deuxième, le fait de le dire, de l'exprimer extérieurement. D'accord? Donc, c'était quoi le premier? C'est de le reconnaître intérieurement, de l'accepter, le reconnaître intérieurement. Deuxièmement, le fait de l'exprimer extérieurement, de le dire. Troisièmement, l'utiliser dans ce dont Allah, le Très-Haut, est satisfait. Si vous voulez en arabe, al-iqrar bi batinan wa at-tahaddus bihi zahiran wa sarfuha sarf yani sarf an-ni'am fi ma yurdi ar-rabb tabaarak wa ta'ala. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être fermer la porte. Ceci était donc le premier jugement tiré de ces versets. Maintenant, on s'attache à étudier le deuxième. On va essayer d'en faire cinq aujourd'hui, Inch'Allah, d'accord? Il y en a plus, hein? الثاني في ذكر فضائح بني إسرائيل مع أنبيائهم تحذيرا لهذه الأمة من ذلك لأن الغرض من ذكر الصفات الدميمة الخبيثة النهي عنها كما أن فيه تثبيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جنبهم الله مخازي بني إسرائيل فإذا كان بنو إسرائيل يقولون يا موسى فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله اللهم إلا من كان من بعض الأعراب حدثاء العهد بالإسلام أتى من البادية فيقول يا محمد لكن بعد ذلك ما عرف حتى البدوي إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه قائلا يا محمد يعرفون قدره عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هديه هو الهدى وأن سنته عليه الصلاة والسلام واجبة الاتباع وأنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعه إلا المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق ومن على شاكلته من أهل المدينة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفار في الباطن لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هؤلاء لا يعدون شيئا ولا يحسبون على الإسلام إلا في الظاهر. Deuxième jugement tiré de ce verset, eh bien, c'est la citation des actions honteuses des enfants d'Israël. Envers qui? Leur prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce, en guise de quoi? De mise en garde. C'est ça le faïda de citer ces actions-là. En guise de mise en garde de notre communauté contre cela. Car le but de citer des caractéristiques détestables et répréhensibles, c'est de les interdire. Regardez toutes les règles qu'on prend dans ce genre de doros. Et il y a en cela aussi une légitimation de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah a écarté les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de commettre des actions détestables, les actions détestables des enfants d'Israël. Car si les enfants d'Israël disaient « Oh Moïse », les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disaient « Oh messager d'Allah ». Hein? Ils ne disaient pas quoi ?« Oh Mohammed ». Sauf certains parmi les bédouins, fraîchement convertis à l'islam, qui lorsqu'il venait de la campagne disait « Oh Mohammed ». Mais après cela, cela n'était pas connu, même du bédouin. Lorsqu'il devenait compagnon du prophète, qui disait, hein, ce n'était pas connu qu'il disait quoi ?« Oh Mohammed ». Pourquoi ? Parce qu'il apprend à ce moment-là. Lorsqu'il lui adressait la parole, il ne disait pas quoi ?« Oh Mohammed ». Comme les enfants d'Israël disaient à Moïse, « Oh Moïse ». Il disait « Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah hein ». Car il savait qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que sa voix était la guidance et qu'il était obligatoire de suivre sa sunna, sa voix alayhi sallatu wa sallam, et qu'il transmettait la législation alayhi sallatu wa sallam qu'il recevait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf les hypocrites comme qui Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite, ainsi qu'à ceux qui lui ressemblent parmi les gens de Médine à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ceux-là sont des mécréants intérieurement. C'est ça la définition de mon affaire, c'est quoi hein? c'est qu'il cache le coffre. Yubtinu al-kufr wa yudhiru al-islam. Il cache le coffre intérieurement, même s'il montre apparemment, de manière extérieure, quoi ? L'islam. Il montre extérieurement l'islam, mais ils sont mécréants intérieurement. Ils cachent à l'intérieur de la mécréance. Ceux-là ne sont pas pris en considération. Hein, ils ne sont comptés parmi les musulmans qu'en apparence. Troisième jugement tiré de ces versets. Al-hukmu al-thalith fi qawli subhanahu wa ta'ala wa la talbisu al-haqqa bil batili wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Khassa amrayni. أولهما أن واجب العلماء البيان بالحكمة وليس من شأن أهل العلم الكتمان وفي الخبر من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار ثانيهما أن كتم العلم مع حاجة الناس إليه من خصال اليهود قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم المغضوب عليهم ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل. Quel est donc ce troisième jugement tiré de ces versets ? Eh bien, il est tiré de la traduction du sens de la parole d'Allah et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Deux choses ont été spécifiées. Eh bien, la première, c'est que l'obligation des savants, c'est la clarification avec sagesse. Et il ne sciez pas un savant de cacher la vérité. Et dans le khabar, c'est quoi le khabar ? C'est un synonyme de quoi ? Personne ? Khabar, c'est synonyme de hadith. C'est un des noms du hadith, le khabar. Et dans le hadith, dans le khabar, il a été rapporté que celui qui cache une science, Al-jamahu Allah bilijamin nar. Littéralement, Allah fera qu'il aura une bride de feu, wal'iyadu billah. Pas vouloir aller trop profondément dans le sharh, mais petite fawaïd, quelques fawaïd. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, l'allama al-muhaddith, il dit dans Sharh Sunan ibn Majah, cassette 31, il dit, celui qui cache une science obligatoire, attention, il faut comprendre ça dans le hadith, et c'est la parole également de l'imam al-Khattabi, comme il est rapporté par Sindi dans Hachet ibn Majah, et également de Ibn al-Athir dans Nihaya. Ils disent quoi? Que celui qui cache une science qui est obligatoire, comme par exemple, quelqu'un qui vient de demander, comment prier avant la prière, ou qui demande comment faire les ablutions. C'est ça qui rend dans le hadith. Comme l'a dit Cheikh Al-Masih Al-Abbad, « وَلَيْسَ النَّوَافِلْ الْعِلْمِ » Il a dit, pourquoi Cheikh Al-Abbad? Car c'est une farida. D'accord? Deuxième chose spécifiée dans ce verset, cacher la science alors que les gens en ont le besoin fait partie des caractéristiques de qui? Des Yahoud. Certains de nos pieux aïeux ont dit, celui parmi nos savants qui est perverti ressemble en cela aux Yahoud, car ils sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui parmi nos adorateurs qui est perverti ressemble en cela aux Nasara, car ils adorent Allah avec ignorance. C'est-à-dire que le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il a la science, mais il la cache, il l'applique pas. Tandis que le deuxième, il adore Allah azza wa jalla avec ignorance, sans science. Quatrième jugement tiré de ces versets. Rabi'an, hasad al-yahoud wa al-nasara wal-yahoud ashad hasadan. Fa kana banu Israil al-yahoud ya'rifuna mab'ath an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'rifuna sifatahu li'annahu madhkurun 'indahum fi at-tawrah wa kanu yukathiruna bihi al-aws wal-khazraj qabla al-islam. Idha dhaharu 'alayhim yaquluna la 'alaykum antum intasartum 'alayna sayadhharu nabiyyun fanaghlibukum wa nantasiru bihi 'alaykum. ولكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكر اليهود وناصبوه العداوة وكان السبق بتوفيق الله للأوس والخزرج سبقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يسمون الأنصار جمعهم الله باسم واحد وهم قبيلتان الأوس والخزرج وكانت الدائرة على اليهود لذا حسدوا يقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة. وهكذا كل عالم يعلم الباطل ويدافع عنه وأهله فإن فيه شبه من اليهود وهو الحسد. Quatrième donc jugement tiré de ces versets, mais c'est la jalousie des Nasara et des Yahoud. Et c'est qui a le plus de jalousie? C'est les Yahoud. La jalousie des Yahoud est plus grande, car les enfants d'Israël connaissaient l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et connaissaient sa description, car il est aussi dans la Torah, et ils cherchaient à surpasser Al-Aws ou Al-Khazraj avant l'islam, qui sont deux tribus des Arabes. Lorsque ceux-là avaient la supériorité en leur disant, attendez, regardez ce que les enfants d'Israël ils leur disaient, Al-Aws ou Al-Khazraj, quand ils étaient vaincus par eux, ils leur disaient quoi? Attendez, il y a un prophète qui va venir, hein, et avec lui on va vous vaincre. Et on vous battra, et avec lui on vous vaincra. Mais lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, eh bien les Yahoud ne l'ont pas accepté. Et lui ont envoué une haine, une inimitié. Et par la grâce d'Allah, la primauté fut acquise à Al-Aws ou Al-Khazraj. Pourquoi? Car ils vinrent en premier vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils furent appelés Al-Ansar. Regardez ce que va dire le shir ici. Écoutez. Allah les a regroupés, Al-Aws ou Al-Khazraj, qui sont deux tribus parmi les tribus des Arabes. Eh bien quoi? Il les a regroupés sous un nom. Qui est quoi le nom? Al-Ansar. Et donc la situation se retourna contre les Yahoud. Et c'est pour cette raison qu'ils devinrent jaloux. Hein, la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité se soit manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. » Allah est très certainement omnipotent, c'est la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 109. Chéri termine ce quatrième point en disant « Et ainsi chaque savant qui connaît le faux et le défend, et défend les gens du faux, il aura alors une ressemblance au Yahoud et c'est la jalousie. » Cinquième jugement, dernier qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah. « Khamisan fil ayah. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو فقه très important à voir ici. فيها إثبات النسخ وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر فهو يشرع للعباد ما يصلح لهم في زمن ثم يرفعه عنهم. وفيها رد على اليهود فإنهم لا يقولون بالنسخ وكان من مقالهم بل ما بال محمد يأمر بالأمر اليوم ويرجع عنه في الغد فرد الله عليهم فالشرع شرع الله والعباد عباده فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل ولا يشرع للعباد إلا ما فيه صلاحهم في العاجل والآجل وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتقبلون أوامره ولا يعترضون عليه كما قال الله عز وجل عن أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ويأمرهم بغيره ويقولون سمعنا وأطعنا فمن شرح الله صدره للإيمان لا يعارض حكم الله وهذا من عظيم الفقه في دين الله وتمام الانقياد فمثلا كان في أول الإسلام صيام رمضان فيه التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ذلك أوجب الله الصيام فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه فنسخ بهذه الآية التخيير وتعين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم فلم يعترض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقه في دين الله كل من عند ربنا. Très très important ce point-là ici. Cheikh Obed, il dit ce cinquième jugement tiré de ces versets. Bien, c'est dans la traduction du sens de la parole d'Allah, si nous abrogeons. Vous savez c'est quoi abroger? On va expliquer c'est quoi dans un instant, il va donner des exemples. Mais c'est quand il y a un texte, à un moment donné, sur un jugement donné, et puis qu'Allah Azza wa Jalla révèle un autre texte qui l'abroge. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, qu'on va voir que, plus tard, que la femme qui meurt, la femme dont le mari meurt, pardon, dont l'époux meurt, mais c'est quoi sa période de viduité, sa idda? C'est quoi? C'est? Arba'ata ashurim wa ashra. 4 mois et 10 jours. Hein? Au début de l'islam, c'était quoi? 1 an. Et vous allez voir les fawa'id que je retire de ça. Hein? Mais ça veut dire quoi? Qu'il y avait un hukm, comme ça. Il y avait un hukm et il a été abrogé, un verset du Coran, surat Baqarah également. Hein? Et un autre verset surat Baqarah qui abroge ce hukm-là et change la période de viduité de la femme dont l'époux est décédé de 1 an à quoi ? 4 mois et 10 jours. Ça, vous voyez c'est quoi une abrogation maintenant d'un texte ? On va expliquer ça dans un instant, inshallah. Il y a dans la traduction de la parole d'Allah, du sens de la parole d'Allah, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent ? Sourate Al-Baqara, verset 106. Il y a dans ce verset l'affirmation de l'abrogation. Ça, c'est quelque chose de tabit. Et que l'ordre revient à Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. Allah légifère à ses serviteurs ce qui leur est bénéfique à un temps précis. Puis, lève cette législation, ensuite ce qu'il a légiféré. Il lève ensuite ce qu'il a légiféré. Attention, parce que les ennemis de l'islam, ils disent ça. Hein? Parmi les choubettes qui disent, ouais, mais regarde, un jour vous avez, hein, avant au début c'était ça, et après ça a changé. Et vous dites qu'Allah il est parfait. Ben oui, ça fait partie de la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, justement. C'est toi qui n'as pas compris. Hein? C'est qu'il y a une législation qui était, à un moment donné, hein, bénéfique, et qu'Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, hein, il sait très bien, hein, parce que c'est lui qui légifère, subhanahu wa ta'ala, ce qui est bon pour nous, eh bien, il a abrogé ce hukm-là par un autre. Et où est le problème avec ça? C'est contre toi, donc. Hein? Il y a donc dans ce verset l'affirmation de l'abrogation, et que l'ordre revient à Allah seulement, à la légifère à ses serviteurs ce qu'il leur est bénéfique à un temps précis, puis lève ensuite ce qu'il a légiféré. Il y a donc dans ce verset une réfutation contre les Yahoud, car ils ne voient pas l'abrogation. Et il disait, regardez ce qu'il disait, qu'en est-il de Mohammed? Il donne un ordre aujourd'hui, il revient dessus demain. Ce qu'ils oublient que c'est qui légifère, subhanahu wa ta'ala? C'est Allah Azza wa Jalla. Hein? Allah les réfuta donc, car la législation est la législation d'Allah, et les serviteurs sont les serviteurs d'Allah. Il n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait, et il ne légifère à ses serviteurs que ce qui leur est bénéfique, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les compagnons, regardez la différence entre les Yahoud et les Sahaba. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eux, acceptaient ses ordres, et ne s'opposaient pas à lui. Comme la traduction du sens de la parole dit au sujet des gens de science. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. D'accord ? Hein ? Pour les frères qui connaissent ce verset de sourate Ali Imran, ils commencent par « Huwa alladhi anzala alayka al-kitab, minhu ayatun muhkamat, hunna umul kitab, wa ukharu mutashabihat. » فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Ici, les ulama, ils ont une divergence. Où s'arrêter? Certains ulama disent que tu t'arrêtes là où je viens de m'arrêter. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Et d'autres ulama, ils disent que tu continues. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et Cheikh Shinqiti, rahimahullah, il dit que ce qui est le plus fort, c'est le deuxième, c'est de continuer. Pourquoi ? Et de toute façon, il y a une explication aux deux. Quand tu t'arrêtes, eh bien c'est l'ilm, hein, que seul Allah connaît. Et quand tu continues, c'est l'ilm qu'Allah, hein, sait évidemment, et qu'il a donné également aux gens de science. Mais regardez ce que les gens dans le Rassiné de science, ils ont dit. Amen Nabi, kullu min 'inda Rabbina, on croit à tout. Tout vient de notre Seigneur. Regardez l'iman, qu'est-ce qu'il fait avec les gens. Regardez la différence encore une fois entre l'Yahoud et le Sahaba et les gens de science, les croyants. Cheikh, il dit, donc c'est sourate Ali Imran, verset 7, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur donnait un ordre, puis un autre. Et il disait, nous avons entendu et nous avons obéi. Celui à qui Allah a ouvert la poitrine à la fois ne s'oppose pas au jugement d'Allah. Ça, c'est très important, ikhwa, de comprendre, et pour les sœurs aussi. Hein? Quelque jugement que ce soit. Se soumettre, hein? C'est pas juste avec la langue j'accepte et puis quand. Hein? C'est se soumettre. Quel que soit le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh, il dit que celui à qui Allah a ouvert la poitrine à la fois ne s'oppose pas au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la grande compréhension et science de la religion. Et de la complétion du soumissement. la soumission complète. Cheikh, il donne un exemple. Il dit, il parle du jeûne du mois de Ramadan. Hein? Je vous pose une question maintenant. Le jeûne au début de la législation d'islam, du mois de Ramadan, est-ce qu'il était obligatoire? Non. C'est juste, il n'était pas obligatoire. Le choix était laissé aux gens, soit de jeûner, soit de nourrir un pauvre pour chaque jour. Et puis ensuite, cela a été abrogé. Mais c'est quoi qui est abrogé? Le choix, qui est devenu une obligation. Ça, c'est encore un exemple d'abrogation. D'accord? Vous allez voir la hikma et les règles que Cheikh Obil Al-Jabiri tire de ça. Par exemple, au début de l'islam, les gens avaient le choix de jeûner le mois de Ramadan, ou à la place de manger, hein, mais de nourrir pour chaque jour un pauvre. C'est après cela qu'Allah a rendu le jeûne obligatoire. La traduction du sens de la parole d'Allah dit le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Ah, voilà, maintenant c'est l'obligation, l'ordre. Hein? Qu'il jeûne ce mois de Ramadan. Ce verset a donc abrogé le choix, hein, du mois de Ramadan, c'est-à-dire le fait d'avoir le choix, et le jeûne du mois de Ramadan est devenu obligatoire à chaque musulman. Regardez, cher, qu'est-ce qu'il dit. Les kulli muslimin, aqilin, balighin, sahihin, muqimin. C'est quoi ça? Shurut. Hein? Qui fait que quelqu'un, ça devient obligatoire pour lui, hein, de jeûner le mois de Ramadan. Et ce qui fait opposition au shurut, c'est quoi ce qu'on appelle en arabe? Un mani'. Il y a le shurut et le mawani'. Qu'est-ce que Cheikh il dit ici? Il dit donc, c'est devenu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan à tout musulman. Première condition. Doué de raison. Aqil, 2. Balir, puber, 3. En bonne santé, 4. Résident, 5. D'accord? Personne parmi les compagnons ne s'est opposé à cela. Et la différence encore une fois? Hein? C'est cela la compréhension de la religion d'Allah. Tout est de la part de notre Seigneur. Et regardez, cher, c'est très très intéressant ce qu'il va dire ici. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. هذه بعض الفوائد التي تضمنها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها الآية. فإذا كان الحكم المنسوخ خفيفا والناسخ ثقيلا يسمى هذا اختبار الصبر. فمثلا عندما كان الصيام تخييرا ثم صار واجبا أيهما أخف؟ التخيير أخف. فهنا المؤمنون فعلوا الثاني ولم ينازعوا فهذا اختبار صبرهم ولهم من الله الأجر. وإذا كان الحكم المنسوخ أثقل من الناسخ فهذا اختبار الشكر. اختبار الصبر واختبار الشكر. ها؟ مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية. فكم عدة المتوفى عنها زوجها حسب ما جاء في الآية إنه عام كامل. وقال في الآية الأخرى juste quelques versets avant, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. الآية المنسوخ أثقل والناسخ أخف. هذا يستوجب من العباد الشكر لله عز وجل. Il y a des très très beaux bénéfices que nous donne Cheikh ici, حفظه الله, qu'il a préservé la récompense par le Firdaus l'A'la. Il dit, tout est de la part de notre Seigneur, comme on avait dit. C'était donc quelques bénéfices contenus dans le verset, dont la traduction du sens est, si nous abrogeons un verset, quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable jusqu'à la fin du verset. Si, écoutez bien cette règle ici, si le jugement abrogé, c'est-à-dire quoi le premier qu'il y avait et qui est abrogé, c'est-à-dire qui n'est plus, est léger, d'accord, khafif, et que l'abrogeant, il est lourd. Je vais vous donner un exemple, Charles Zanassan. Le cheikh, d'ailleurs, il l'avait déjà donné. Eh bien, on appelle cela ikhtibar al-sabr, l'examen de la patience. Et ce n'est pas le cas de Ramadan. Au début, il y avait un choix. C'est plus léger ou pas qu'avoir le choix, qu'être obligatoire? C'est plus léger ou pas? C'est quel qui est plus léger? Parce que je veux vous... Hein? C'est quoi qui est plus léger? D'avoir le choix, on est d'accord. C'était quoi qui était en premier? Avoir le choix ou être obligatoire? Donc, qu'est-ce qui était plus léger au début? Le plus léger. Et c'était abrogé parce qu'il est plus lourd. Examen de la patience. Ikhtibar al-sabr. D'accord? Le contraire maintenant. La femme qui perd son mari, hein, il meurt. Elle doit avoir une période de viduité d'un an au début. C'est plus lourd ou c'est plus léger que 4 mois et 10 jours? C'est plus lourd. Ensuite, ça a été abrogé et c'est devenu 4 jours, 4 mois et 10 jours. C'est plus léger ou pas? Oui. Donc l'abrogeant, il est plus léger et l'abrogé, il est plus lourd. Ikhtibar al-shukr. Hein? Examen du remerciement. D'accord? Cheikh, il dit, si le jugement abrogé est léger et que l'abrogeant est lourd, on appelle cela l'examen de la patience. Ikhtibar al-sabr. Par exemple, lorsqu'il le jeûne était au choix, puis est devenu ensuite obligatoire, lequel des deux jugements est le plus léger? Eh bien, le choix est plus léger. On est d'accord? Or, les croyants ont mis en application le deuxième, qui était quoi? L'obligation. Et n'ont pas discuté. Donc, ils ont été testés, ils ont réussi le test. Radiallahu anhum arda. Ceci était donc un examen de leur patience. Et ils en ont la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le jugement abrogé est plus lourd que le jugement abrogeant, on appelle cela l'examen du remerciement. Ikhtibar al-shukr. Comme dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, comme cela, ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, de leurs époux, pourvoyant, ceux-ci doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant un an d'entretien sans les expulser de chez elles. Donc la viduité, c'est quoi? Un an. Surat al-Baqarah, verset 240. Combien est donc la période de viduité de la femme qui a perdu son mari dans ce verset? Un an complet. Am kam, il a dit le shir. Et la traduction du sens de l'autre verset, qui va l'abroger, il dit, ceux d'entre vous que la mort frappe et qui les épousent, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Surat al-Baqarah, verset 234. Donc, ce qui abroge, il est plus léger que ce qui était abrogé. Donc, il y a une facilité. Donc, on doit remercier Allah Azza wa Jalla. Hein? Examen du remerciement. Et on a vu c'était quoi le remerciement, hein? Les trois piliers. C'était quoi? Il-qraru bihi batinan, wa tahadduthu bihi zahiran, wa sarfuha, yani sarfu ni'am, fima yurdillah tabaraka wa ta'ala. Cheikh, il dit, ce qui est abrogé est donc plus lourd que l'abrogeant. Ceci implique que les adorateurs se doivent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et on finit là-dessus. Et pour le cours d'Usul Sitta, comme je vous l'ai dit, on se tient au courant, inshallah, parce qu'on n'aura plus cours, wallahu alam, à partir de la semaine prochaine, le mardi. On n'aura plus qu'un cours par semaine le samedi, inshallah. Donc soit on continue Usul Sitta jusqu'à ce qu'on le finisse le samedi, puis on reprend Sifat Salah, inshallah. Soit on trouve un autre moment, soit je les enregistre et je les mets sur le site, on trouvera une solution, inshallah. D'accord? On se tient au courant. Et pour les gens qui sont sur Internet, eh bien, on se tient au courant via notre site spfbirmingham.com. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.